L'animation complète. I'm back. C'est ce soir que débute la première édition version 2016 du Undead Incorporated Show Réanimation. L'année 2015 ne m'a pas paru comme étant très prolifique en matière de sorties métal d'importance et ou énormément attendue, mais il y aura eu tout de même certains bons, voire très bons albums qui sont dignes de mention. Et bien entendu, pour faire ce retour en arrière, il est impossible de passer outre la traditionnelle Retro Undead, qui se veut une rétrospective pandragonienne, comme à toutes les années. Elle ne sera probablement pas aussi longue que par le passé, mais je l'espère tout aussi intéressante. Et peut-être pas finalement. Donc, chronologiquement, je présenterai les albums qui m'auront intéressé et tantôt d'autres que j'attendais impatiemment et qui ne m'auront pas déçu. Sans plus attendre, débutons cette Retro Undead. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il retourne en arrière, parce qu'il se rend compte avoir oublié un scalpel à l'intérieur d'un patient. Patient qui l'est d'ailleurs de moins en moins. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Débutons avec Venom. Go! Fast and furious, interstellar glow. Infinite change, why Unheard. Seeing light through the clouds. vous êtes assez fait. 80 Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide? Connais-tu, c'est fou? Mais hein, que je connais ça. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait, mais y'a... Y'a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi, tu peux animer assez fou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations... Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cfou.ca. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à CFOU 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Hey! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de Réanimation, c'est ce 12 janvier de l'an de disgrâce 2016. Eh oui, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Pour cette première partie de la Retro Undead 2015, bien entendu, on n'y échappe pas, même pas moi. J'ai dit première partie parce que elle devrait se commettre théoriquement sur au moins deux émissions, c'est-à-dire cette semaine et la semaine prochaine. Jusque-là, le principe vous a pas trop perdu, là, je l'espère, n'est-ce pas, hein? Oui, tout à fait! Oui, Aura, je suis d'accord avec toi. Ils sont pas tous... ce sont pas tous des gens qui ont inventé les boutons à quatre trous, n'est-ce pas? Oui, ah, la vérité sort de la bouche des beaux petits singes, effectivement. Donc, comme je le disais, c'est le début de la Retro Undead, ce qui signifie que tout au long de l'émission, et possiblement la semaine prochaine, en fait, si ce n'est pas celle l'émission la semaine prochaine en entier, ça va être au moins une bonne partie, je vais vous présenter chronologiquement, bien entendu, des parutions métal, aussi bien entendu, qui auront suscité mon intérêt, ou je dirais même dans certains cas, pratiquement mon extase. Mais ça, c'est des cas plus rares pour cette année. Parce que comme je l'ai dit en présentation d'émission, l'année 2015, en ce qui me concerne, et selon mon humble avis, qui, soit dit en passant, n'est pas si humble que ça, m'est apparu comme étant relativement pauvre en sortie, je dirais, non pas d'exception, parce que ça, c'est pas tous les années, effectivement, mais pauvre en sortie souvent intéressante, voilà. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de sorties, mais il y a eu beaucoup de choses qui m'ont vraiment pas plu. Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai été, je dirais... peu intéressés et d'autres qui sont passés totalement inaperçus. Donc, tout ce préambule pour vous dire que c'est évidemment des choix qui sont personnels que je vais vous présenter ce soir. Et les quatre premiers choix, parce qu'ils seront en bloc de quatre généralement, étaient déconstitués de ceux-ci. Donc, à l'instant, avant cette pause publicitaire, nous avions la formation américaine à Six Feet Under. Six Feet Under, bien sûr, qui donne dans un dead groove metal, à la rigueur par moment, death and roll. partir un petit peu sur, je dirais, le classique old school death metal par moment aussi. Et c'était une pièce tirée de leur 14e album, Crypt of the Devil, qui est paru le 5 mai dernier. Et la pièce étant Open Coffin Orgy. Moi, j'ai toujours assez, je dirais, apprécié Six Feet Under. Formation qui est assez minimaliste musicalement. Je dirais même très minimaliste musicalement. Dont il ne reste que Chris Barnes, le musicien d'origine. Mais qui donne, en fait, selon mes goûts personnels, qui donne un mode musical que j'apprécie beaucoup. Pour plusieurs albums, du moins. Juste avant, nous avions la très bonne formation norvégienne Enslaved et la pièce Building with Fire qui est tirée de In Times, qui était leur 13e parution au studio, qui est parue le 6 mars dernier sous l'étiquette Nuclear Blast. D'ailleurs, le 20 mars dernier, c'était un excellent spectacle auquel j'ai pu assister aux Foufounes électriques. C'était vraiment très bien. J'apprécie beaucoup l'humour de... comment s'appelle-t-il déjà? Ivar, si je ne m'abuse, je vais vérifier pour ne pas compter de carabistrouille, là. Ben oui, c'est ça, Ivar. Qui est un espèce d'amalgame entre, je dirais, Mike Ackerfeld et Jerry Seinfeld, pour le métal. Donc, Building with Fire, c'est ma pièce préférée de l'album. Et je dois dire que cet album-là, je le trouve toujours très bon. Nous avions Melekesh juste auparavant, formation qui anciennement était d'Israël, de Jérusalem, et maintenant qui est des Pays-Bas. Melekesh qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années au Metal Fest, c'était un très bon spectacle. Et une pièce tirée de Anki, qui est leur 6e album complet studio, qui lui est paru le 10 février dernier, sous étiquette Nuclear Blast également. Il s'agissait de la pièce de Pendulum Speaks. Moi, ce que j'aime avec Melekesh, c'est de réussir à amener ce côté, entre guillemets, folklorique de leurs racines et de le rendre pas achalant comme dans bien des groupes qui sont métal folklorique et ça me tape vraiment sur les nerfs. Alors que eux, ils ont une subtilité, ils réussissent à combiner des sonorités, des harmonies qui sont extraordinaires à travers un métal souvent très extrême. Donc, je pense que Melekesh est une des formations en tête de liste dans ce qui a trait au l'aspect folklorique du métal. Et on a ouvert avec une pièce qui est tirée de leur 14e album studio. Il s'agit de la formation de la New Wave of British Heavy Metal, formation anglaise bien entendu, Venom. Et la pièce The Death of Rock and Roll qui est tirée de From the Very Death, qui est parue le 27 janvier. En fait, il y aura pratiquement un an dans 8 ans, c'est ça. Non, dans quelques jours. Cette pièce-là, on a le titre avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Le Rock and Roll n'est pas mort. Il est peut-être pas très fort, mais il n'est pas mort. Je parle au niveau nouveauté, bien sûr. J'ai beaucoup aimé l'album de Venom. Moi, c'était... comme les vieux de la vieille, j'ai découvert ça en même temps que les autres là, dans les débuts des années 80 avec Black Metal et Welcome to Hell et compagnie. Mais rapidement, non, c'est faux. Après 3 ou 4 albums, j'ai commencé à me désintéresser un peu parce que j'avais beaucoup de difficultés avec la production qui était très pauvre à l'époque de Venom. Quoiqu'aujourd'hui, on le considère faisant partie du charme de cet establishment old school, mais à l'époque j'avais énormément de difficultés et ça m'a comme un peu rebuté de suivre plutôt la carrière musicale de Venom. Mais il y a un certain nombre d'années, je me suis pris à être curieux envers leurs plus récents albums, mais j'ai dois trouver que je trouvais ça assez intéressant. Et From the Very Death pour moi est un album qui est assez symbolique de du bon Venom qu'on peut retrouver aujourd'hui. Oui, il y aura une portion qui s'adressera au cinéma aujourd'hui, mais par contre, ce ne sera pas mon décompte de séries télévisées et de films de 2015 pour la simple et unique raison que je n'ai pas encore terminé d'écouter certains trucs qui sont de 2015 avant de pouvoir statuer définitivement s'ils feront partie ou non de mes choix. C'est ce qui devrait être fait pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le vrai décompte, si on veut, 2015, en ce qui me concerne, pour le cinéma et les séries télévisées, aura lieu. Par contre, j'en aurai une, des trucs que j'aurais vu depuis la dernière émission de réanimation, qui était, si je ne m'abuse, quelque chose comme le 15 ou je ne sais plus. Je vais aller vérifier. Ouais, c'était le 15 décembre dernier. Donc, j'ai eu le temps d'écouter quand même pas mal de choses. Il y en a même que j'ai décidé de même pas mettre sur le site parce que c'était absolument pas digne de mention. Encore moins, je ne voulais avoir l'impression de gaspiller la salive pour en parler. Mais il y en a d'autres qui sont quand même assez intéressants. Mais on va poursuivre musicalement cette rétro Undead, avec le deuxième bloc qui est de juin à juillet. On va entendre respectivement la formation Sinister. Et j'ai inclus aussi dedans, entre autres comme Sinister, ce que vous verrez plus tard la semaine prochaine avec Vader, des albums de formation qui ont fait des espèces d'hommages, des tributes ou simplement des covers, si on veut, des reprises de groupes qu'ils aiment. Et Sinister en fait partie parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes dessus. On va entendre, comme je le disais, Sinister Jungle Rot, Debauchery, Lamb of God, qui est un album que j'ai découvert sur relativement le tard de 2015. J'avais certaines appréhensions, mais finalement Rockmaster m'a dit non, écoute là, c'est bon, et puis il avait raison. Donc on va aller se taper ça à l'instant. On débute avec Under the Guillotine, qui est une reprise de Creator, bien entendu, tirée de Pleasure to Kill, qui est interprétée par Sinister sur l'album Dark Memorials. Go! We'll be right back. all oppressor, the world police. Freedom and liberty, now disease. Maintain destruction, evil eyes. Threaten the war squad, order nets. Works of the powers, consolidate. The pockets of the affluent in flight. Your life did exist. Herald the slave state. A peaceful protest. It may be worthy, but their wonder shall be real. No. Civil disorder, not a grand scale. If we do not think, then their wonder shall be real. Of war, Iron Clan.

êtes assez fou. 89. Samedi 16 janvier, 21h30, le Zénob a le bonheur d'accueillir la formation montréalaise Shayare. Pour une soirée alternative remplie d'harmonie au son des cordes, soyez avec nous au Zénob pour la prestation de Shayare ce samedi 16 janvier, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. La nuit jusqu'au jour, en crachant sur l'amour. Le mercredi 13 janvier prochain, Vidéotron Mobile présente le spectacle de la rentrée organisé par l'AGEQTR qui mettra en vedette Extérieur, Fanny Bloom ainsi que les Poulailleux. Tirage de deux paires de billets pour les Canadiens de Montréal, une gracieuseté de MBNA et du Bureau des diplômés de l'UQTR. Visitez la page Facebook de l'AGEQTR pour plus de détails. Le 13 janvier prochain, c'est le spectacle de la rentrée. Vous êtes assez fait, assez fait. 80. h 57, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h en mon humble compagnie, et je l'espère plus ou moins agréable. N'importe quoi, hein? Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Toi aussi tu dis n'importe quoi, pauvre petit singe. Bon, on vient d'entendre juste avant cette pause publicitaire la formation Lamb of God, formation qui vient de la Virginie Richmond, plus précisément une pièce tirée de leur toute dernière parution, Seven Storm on Drang. Je suis pas très bon en... C'est ce qui m'apparaît peut-être de l'allemand. Bref, il est paru le 24 juillet dernier et c'était leur 7e album studio sous étiquette Nuclear Blast. On a entendu la pièce Embers. Je disais tout à l'heure que j'avais découvert, oui, c'est vrai, pas le groupe, mais l'album, sur le tard l'an dernier. On dirait que ça fait un an de ça, alors que ça fait quelques mois, mais bon, c'était tout de même l'an dernier. Parce que j'ai jamais été un grand amateur de, pas nécessairement de Lamb of God, mais de l'aspect metalcore. Et mon ami Alain Rockmaster m'a dit « Non, tu devrais l'écouter, il est bon cet album-là. » Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, il est bon. Et ce que je trouve intéressant avec Lamb of God, en fait, avec cet album-là, peut-être plus particulièrement, c'est qu'il y a un aspect plus groove metal que core maintenant. Et ça me convient beaucoup plus. Debauchery, formation allemande, et la pièce Ironclad Declaration of War, qui est tirée de Fuck Humanity. Oh, quel gros mot! Oh! Qui est paru le 10 juillet dernier. Il s'agissait de leur... c'était le 9e, si je ne m'abuse. 9e album studio complet, oui. Et moi, j'ai trouvé quand même intéressant, je dois dire, cet album-là. Ce qu'il faut savoir avec Debauchery, c'est que ils sont classifiés comme étant death metal, hard rock, death and roll. Je suis d'accord avec ça, cette classification-là, parce que c'est pas typiquement du death metal. On y retrouve beaucoup d'éléments plus, je dirais, roll ou rock, selon le cas, là. Cet album-là est pas nécessairement un bijou, là. Je ne le crois pas, mais il est intéressant. Et ceux d'entre vous qui connaissent Blood God, qui est un peu un side project là, des membres de Barcher, vous allez voir que c'est sensiblement la même chose, mais avec un vocal qui s'apparente beaucoup plus à AC/DC. On a entendu Jungle Rot et une pièce tirée de leur 8e album, la pièce titre Order Shall Prevail, qui est parue le 30 juin dernier sur Victory Records. Personnellement, j'ai été quelque peu déçu de cet album, comparativement, principalement, aux deux précédents. Je l'ai trouvé un petit peu mou et un peu décousu, sans être mauvais, bien entendu. Mais cette pièce-là, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de saveur et d'épices, ce nouvel album, Order Shall Prevail. Mais, comme je l'ai dit, c'est loin d'être un mauvais album. Et on est ouvert avec Sinister, formation qui vient des Pays-Bas. Je vais vous épargner le terme, là, pas le terme, mais la prononciation de leur ville d'appartenance, parce que je serais incapable de le dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une formation qui existe depuis quand même 1988, qui avait pris une pause en 2003 et 2005, et qui est revenue avec, considérons-le comme étant le 12e album studio, si on veut, Dark Memorials, qui se veut un album de covers ou de reprises, si vous préférez, dans lequel on retrouve des trucs de Sepultura, de Carcass, de Bolt Thrower, de Marauder, The Death, The Creator, comme on a entendu ici, qui était Under the Guillotine, qui apparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt originalement sur l'album The Creator, bien entendu, qui est Pleasure to Kill. Et on retrouve aussi Autopsy, Slayer, Repulsion, Carnage, et deux réenregistrements des pièces originales de Sinister, soit Spiritual Immolation et Compulsory Resignation, et ainsi que sur, il y a un disque bonus qui est un DVD qui dure 47 minutes sur Australian Darkness, c'est en spectacle. Bon, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce que Sinister font dans le genre. Les reprises sont assez intéressantes aussi, généralement. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas allés visiter récemment le site de réanimation AD.com. Pourquoi le AD? Je sais-tu, moi. Non, pour After Death, bien sûr. Parce que j'ai mis en ligne le top 10 du Dr. Payne, qui est moi, et aussi les 10 mentions, mes 10 mentions. On en retrouve, entre autres, tout à l'heure, on a parlé de Melekesh. Eh bien, Melekesh sont dans la 5e position de mon top 10. Six Feet Under sont en 6e position des mentions. Ils ne font pas partie de mon top 10. Enslave se retrouve en 9e position de mon top 10, avec l'album In Times, bien sûr. Et Venom n'apparaît pas nulle part. Pourquoi? Ben parce que, c'est tout. Non, simplement parce que l'album est bien, mais il y a certaines faiblesses qui sont achalantes, et personnellement, les pièces qui sont bonnes sont vraiment bonnes, mais les pièces qui sont moins bonnes sont vraiment moins bonnes. En fait, faut faire un choix à certains moments donné. Non, c'est faux, je raconte n'importe quoi. Je l'ai mis en 9e position, c'est vrai, des mentions. Il me semblait que je l'avais mis, mais il est quand même presque en fin de ligne, là. Mais pour les raisons que j'ai invoquées. On retrouve aussi Debauchery, qui est en 10e position des mentions, qu'on vient d'entendre à l'instant. Faut que je le consulte, là. Lamb of God, qu'on a entendu aussi, qui est en 3e position des mentions. Jungle Rot n'apparaît pas, bien sûr. Et c'est pas mal ça pour l'instant. On va se lancer dans un troisième bloc de cette Retro Undead. Après cette petite courte pause publicitaire. Et c'est qu'en allons à dire ce soir, ça, Horace. Non, chronique cinéma. Effectivement, je vous l'avais dit, ce n'est pas le décompte de 2015 selon mes appréciations, mais bien les trucs que j'ai vus depuis qu'on s'est parlé. Ben, quand on s'est parlé, c'est moi qui ai parlé, vous ne faites qu'écouter. Présentement, au cinéma, des Hateful Eight, qui est le dernier film de Quentin Tarantino, qui est un western d'action, semble-t-il, avec petite connotation humoristique, mais il y en a passablement toujours dans les films de Tarantino, qui mettent en vedette Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh et Carrie Fisher. Non, je suis allé au moins. Michael Madsen, je crois. Ça, je me propose de voir ça sous peu, parce que si je me fie au dernier western de Tarantino, qui était Django Unchained, c'était génial. Autre film qui est à l'affiche depuis très peu, depuis la semaine dernière, qui est un film de Alejandro González Iñárritu. Il s'agit d'un autre western à connotation aventure qui met en vedette deux excellents acteurs, soit Leonardo DiCaprio et Tom Hardy, et c'est The Revenant. Donc ça risque d'être excellent aussi, et je suis pas mal certain que ces deux films-là vont faire partie de mon top de 2015. Film que j'ai vu qui, contre toute attente, en fait, contre toutes mes attentes, et selon ce que j'avais pu lire, c'est une suite. Je parle de Maze Runner, de Scorch Trial, qui est un film de science-fiction aventure de Wes Ball, qui met en vedette Dylan O'Brien, qui est une jeune coqueluche pour la génération actuelle d'amateurs de cinéma. Je me disais, le premier était intéressant, oui, voire même bon, il était original, et le deuxième, semblait-il, il avait eu une cote et une appréciation qui était assez mitigée de la part des amateurs, et mais je me suis risqué à l'écouter quand même, et aux surprises, je l'ai trouvé bien. Oui, j'ai trouvé Scorch Trial, le deuxième volet de Maze Runner, assez intéressant, suffisamment pour probablement lui faire une place quelque part dans mon top qui va ressembler à un top 30 ou 35. Là. J'ai l'impression qu'il va y apparaître. J'ai trouvé ça pas mal bien. Excellent film d'horreur, connotation très, je dirais, classique dans le genre qui est un film de Guillermo del Toro, qui est un cinéaste généralement qui donne des choses de qualité. Il s'agit de Crimson Peak, qui est un film d'horreur fantastique, connotation hantise, et qui, ma foi, est très original. C'est un film qui a une vitesse de croisière qui est relativement peu vite, mais qui a une belle constance et qui ramène, d'une certaine façon et de façon assez, je dirais, brillante, les aspects de l'horreur classique. Donc, j'ai beaucoup aimé Crimson Peak et lui, assurément, va faire partie de mon top. Autre film que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, qui est un film d'action qui a un certain aspect comédie dedans, qui est d'un film de Robert Zemeckis, c'est The Walk, qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley et Charlotte Le Bon. C'est un biopic qui est sur Philippe Petit, un célèbre funambuliste qui en 1974 a décidé de traverser sur un fil de fer les deux tours les deux Twin Towers, qui n'existent plus aujourd'hui, bien entendu, et le faire de façon, bien entendu, illégale, parce que c'était totalement illégal de le faire, de traverser sur un fil de fer le World Trade Center, les deux tours, en fait, et il l'a fait, et c'est tout la préparation et le montage de trouver l'équipe en tant que telle, préparer le coup, entre guillemets, avec l'équipe, s'introduire à l'intérieur des tours pour être capable de tendre, ne serait-ce que tendre de films. C'est vraiment un excellent film. C'est vraiment très, très bon. Et je vous mets en garde pour une chose, parce que si vous êtes accablé par le vertige, mais affublé par le vertige, comme je le suis, eh bien, vous allez avoir beaucoup de difficultés, surtout si vous l'écoutez en très haute définition, bien entendu. Je l'ai pas vu en 3D, par contre. Il y a certaines prises de vue qui sont assez vertigineuses, effectivement, et qui pourraient être même dérangeantes. Mais quoi qu'il en soit, The Walk, c'est très, très, très bon. Un film que j'ai apprécié au plus haut point, qui est d'un cinéaste qui est régional ici de la Mauricie, il s'agit de M. Denis Villeneuve, c'est Sicario, qui est un thriller policier qui met en vedette Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. Une excellente distribution, un excellent thriller, un très bon film d'action qui, ma foi, je suis convaincu qu'avec cette production de calibre international, de très haute qualité, que M. Villeneuve, lui aussi, deviendra sous peu, si ce n'est pas déjà fait, un cinéaste de calibre international. Sicario, c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup d'action, il y a un très beau scénario qui supporte le tout. Et comme je l'ai dit, les acteurs sont extraordinaires, spécialement Benicio del Toro, qui est vraiment là, absolument génial dans son rôle. Et Emily Blunt, qui est tellement bonne qu'elle nous met le feu au derrière, constamment, tellement elle apparaît comme étant une une policière stupide et naïve, mais elle a très bien interprété son rôle. Et Brolin, qui est un acteur, je dirais, en second plan dans ce film-là, ne donne pas sa place non plus. Donc, je vous conseille énormément Sicario, c'est vraiment excellent. Film qui m'a déçu, Sinister, partie 2. Je vais trouver le premier, quand même, de 2012, qui mettait en vedette Ethan Hawke, assez intéressant. Ici, je dois dire que le deuxième est d'un ennui relativement mortel. Ben, en fait, ennui mortel, mortel et film d'horreur, ça peut aller ensemble, mais si on met le préfixe ennui devant, ça marche pas vraiment. Donc, moi, je vous le conseille pas du tout. Un film d'aventure, un drame qui est basé sur des événements réels, quoi qu'ils ont été légèrement décriés par ceux qui sont les survivants de cette aventure. C'est Everest qui met en vedette Jason Clarke et Jake Gyllenhaal, qui est très très bon, et aussi encore une fois Josh Brolin, qui est excellent dans son rôle, et qui parle de l'ascension de deux équipes, deux compagnies dont la vocation est d'aller de préparer des voyages organisés par des gens qui veulent faire l'ascension de l'Everest et de les guider à travers leur ascension, ça serait un bien petit terme pour dire ce qu'ils font, je dirais dans leur péril, voilà. C'est vraiment très bien et le film traduit excessivement bien la détresse que les gens ont ressentie et nous la traduit excessivement bien parce qu'à certains moments on a l'impression d'être dans la peau d'un personnage. Donc Everest, c'est un film que je conseille vraiment. C'est un film de Balthazar Cormacour, peu importe. Film qui m'a déçu parce que j'aime beaucoup l'acteur, il s'agit de Johnny Depp. J'aime beaucoup, beaucoup cet acteur-là. Et là, ici, dans Black Mass, qui est un film qui est un peu une biopic aussi, si on veut, un drame à connotation criminelle, reprend, une partie de l'histoire de James Whitney Burger, qui est un criminel notoire des années 70, et de l'agent du FBI, John Connolly, qui est sur son cas, et le convaincra éventuellement de devenir un délateur contre la mafia italienne. C'est pas mauvais, mais c'est passablement lent, et je dirais que par moment, la lenteur n'a plus sa place, elle nous fait décrocher. Et par contre, je dois dire que Johnny Depp est méconnaissable. Il faut vraiment se dire que c'est Johnny Depp, parce que par moment, c'était très difficile de le reconnaître. L'interprétation est bonne, mais le film est très lent et moi, ça m'a fait décrocher plus souvent qu'une fois lors du visionnement. Excellente série télévision, mini-série de 6 épisodes pour une première que j'ai terminée pas plus tard que hier soir, qui est de ETV Channel. C'est une série britannique qui s'appelle The Frankenstein Chronicles, qui est une série policière fantastique, qui met en vedette l'excellent Sean Bean. Oui, oui, oui, celui-là que vous aurez connu, en fait, je l'espère, dans Game of Thrones comme étant le Starks qui s'est fait décapiter dans la première saison. C'est une série qui nous mène pendant les 5 premiers épisodes dans une enquête alors que le roman de Mary Shelley Frankenstein est paru et qu'il semble avoir en fait servi de toile ou d'inspiration pour certains meurtres relativement crapuleux. Bref, c'est excellent. Moi, je croyais que c'était pour être quelque chose de différent et quand j'ai entrepris les premiers épisodes, j'ai dit, c'est pas du tout ce que je pensais. Ça n'a pas vraiment rapport avec Victor Frankenstein, non. Ça a rapport avec le roman, oui. Ça se passe en 1827, oui, ok, d'accord. Mais c'est vraiment axé sur une enquête policière des policiers de l'inspecteur John Marlott, qui est joué par Sean Bean, jusqu'à la dernière épisode. Et c'est là que ça prend un tournant qui est tout à fait différent, qui me fait dire que j'ai vraiment hâte à la deuxième saison, qui devrait comporter plus que 6 épisodes, j'en suis certain. The Frankenstein Chronicles, c'est excellent si vous aimez les ambiances contre-victoriennes, gothiques, ma foi, malfamées, poisseuses et très dégueulasses par moments. Eh bien, c'est pour vous. Un film que j'ai vraiment, mais vraiment trouvé nul et pour qui on a fait une grande promotion dans la période des fêtes et un petit peu avant, qui est un film d'horreur, mais qui s'est voulu un film d'horreur pour les fêtes, c'est Krampus, qui met en vedette Tony Collette et Adam Scott. C'est un film de Michael Dougherty et j'ai trouvé ça vraiment mauvais et vraiment plate et vraiment ennuyant. Donc, malheureusement, la promotion était quand même très bien faite parce que ça a piqué sûrement la curiosité de beaucoup de gens, mais moi, j'ai trouvé ça très mauvais. Ceci étant dit, après ce long discours, retournons en musique, cette fois-ci, en débutant avec mon numéro 1 de l'année 2015. Il s'agit de Fear Factory, une pièce tirée de Genexus, le 10e album studio de cette formation. On va y aller avec Protomech et on va poursuivre avec Crisium, Eight Eternal et Nile. Vous êtes en réanimation. Go! Complete. L'Omnium du rock mis au jeu est de retour avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bandes au Québec. Ne manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Dagobert. Visitez l'omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mis au jeu, une présentation de Sifu en collaboration avec Musique Richard et le studio Sismic. La chanson t'a dit quelque chose. La voix t'a dit quelque chose. Tu replaces peut-être bien l'émission. Bien qu'une chose que tu sais pas, c'est que Skypunka est maintenant de retour tous les vendredis entre 20h et 22h. Fait que... je t'attends. We're on our knees, but we will rise again. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fous? 20h40, il en reste un petit peu moins qu'en restait, mais quand même. Bien entendu, la formation Nile, formation américaine, et Evil Cast Out Evil, qui est une excellente pièce tirée du bon album What Should Not Be On Earth, qui était le 8e album studio de Nile, qui est paru le 28 août dernier. En ce qui me concerne, je dois dire que je l'ai placé en 10e position de mon top 10, top 10 si vous préférez. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que comparativement à ses prédécesseurs, il est un peu plus faible et la qualité audio est un peu moins au rendez-vous. La qualité d'enregistrement, je parle bien sûr. C'est apparemment nous avions 8 Eternal et la pièce titre de ce dernier album, soit le 6e Infernus, qui est paru sous étiquette Season of Mist le 21 août dernier. 8 Eternal apparaît dans la 7e position de mes 10 mentions, non pas dans mon top 10. Pourquoi? Parce que, encore une fois ici, un peu à l'instar de Nile, il est... un peu plus faible, voire je dirais même plus faible que Nile par rapport à ses prédécesseurs, puisqu'il n'est pas dans mon top 10. Il est un peu plus faible, effectivement, cet album de 8 Eternal. Personnellement, Fury in Flames demeure encore mon préféré parce qu'il est très intense. Mais Infernus n'est pas un mauvais album. D'ailleurs, il apparaît quand même dans les 10 mentions de l'année 2015 en ce qui me concerne, mais avec certaines faiblesses. Par contre, je dois dire que la pièce titre que je vous ai présentée, Inferno, c'est vraiment excellente, qui donne un peu, fait un peu mentir la réputation d'être Eternal, d'être vraiment un groupe death metal, brutal death metal, qui ne connaît qu'une seule vitesse, l'extrême, alors que Inferno, c'est une, je dirais pas une balade, là, pas jusque-là, mais quand même une pièce avec un tempo un peu plus ralenti. Nous avons Crazyn et la pièce Ways of Barbarism qu'on trouve sur le dernier album Forge in Fury. C'est le 10e album de cette formation brésilienne qui est paru sur Century Media le 7 août dernier. C'est vraiment excellent. Crazyn est en 2e position de mon top 10. C'est vraiment un très bon album. On est ouvert avec le numéro 1 en ce qui me concerne cette année, Fear Factory et la pièce Protomech. On trouve sur Genexus qui est le 10e album studio de la formation américaine. Formation qui vient de Los Angeles, bien entendu. Moi, je dis bien entendu, il aurait pas venu de n'importe où aux États-Unis, hein. Même de Springfield. C'est paru le 7 août dernier et personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dernier album de Fear Factory. Je le considère comme étant un retour, entre guillemets, aux sources, à peu près à l'époque de ce qu'ils ont fait avec Obsolete. C'est vraiment un très bon album. Fear Factory qui sont redevenus un groupe à part entière, ce ne sont plus seulement Burton Sibel et Dino Cazares, mais bien entouré d'un bassiste et d'un drummer. Je dois dire que je ne les ai vus qu'une seule fois en spectacle, mais quand même, ça se défendait très bien. Au niveau du visuel et au niveau du vocal aussi. Je vous rappelle. Ben en fait, je vous le rappelle pas, je vous le dis pour la première fois de la soirée, que ce vendredi, dès 11h, ici même, c'est fou, c'est Rock Classique, en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble serviteur. Et cette semaine, c'est le traditionnel, le 3 pour 1, parce que nous serons le troisième vendredi du mois, hein, on a de la suite dans les idées, vous autres. Et cette semaine, on va vous présenter des trucs qui vont être... en fait, ce qu'il faut savoir trop pour un, c'est trois pièces du même artiste ou du même groupe. On va entendre du Black Oak Arkansas, du Blue Cheer, du Cactus, du Jethro Tull, Genesis, Rush, Motorhead, Iron Maiden et bien sûr, Kiss. Et en outre, Alain et moi, nous vous présenter des nouveautés. Respectivement, Alain vous présentera le tout dernier album de David Bowie, Black Star, parce qu'on le sait, David Bowie est décédé avant-hier. C'est malheureux, c'est un personnage important dans le monde du rock. Et moi, je vous présenterai le dernier opus de formation Baroness, l'album Purple. Alain vous présentera aussi dans le chronique des groupes obscurs une formation des années 70 très, très inconnue du nom de Granicus. Donc, tout ça, c'est pour les vrais amateurs de vrai rock de 11h à 17h sur les ondes de C'est Fou Rock Classique. Aussi, si vous êtes amateur de métal, comme vous l'êtes régulièrement à tous les mardis à réanimation, ben, je vous propose aussi le vendredi entre 18h30 et 19h30 sur les ondes d'Underground Québec d'aller écouter le Metal Show Subversion de mon bon ami Sylvain Latour, acquéreur DJ Tower of Death, qui a une émission, originale et toute particulière. Mais surtout quand il... J'adore quand t'arrives avec ces segments de pause publicitaire. Bref, Subversion, le vendredi entre 18h30 et 19h30. La semaine prochaine, ben, ça va être la poursuite de cette Retro Undead, de deuxième partie. Il est peut-être possible qu'elle ne prenne pas l'entier de l'émission, parce que je l'ai dit d'emblée en début d'émission, ce soir, ça n'a pas été une année qui a été, selon moi, extraordinaire au niveau des sorties métal. Des bonnes, mais ça n'a pas été à profusion. Donc, j'ai fait le ménage dans tout ça, et puis j'ai même retenu certains trucs, comme je parlais tout à l'heure de Jungle Rot, qui m'a plus ou moins emballé, mais qui, je trouvais, était digne de mention quand même. Mais après avoir fait le ménage dans tout ça, puis me dire, bon, certains trucs, je vois pas pourquoi j'en parlerais, là, faire une rétrospective avec ça, ben ça, là, a diminué mon choix, hein, finalement. Ce qui veut dire que... Bon, on devrait en avoir une bonne partie quand même. Et autre chose que je regrette énormément, que je dois dire, c'est que la dernière émission de réanimation de 2015 était le 15, justement, décembre, et j'avais prévu de revenir ce soir, soit le 12, ce que j'ai fait d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, mais entre cette petite pause-là, j'avais eu le message de mon ami et ancien assistant Sinistros, qui pouvait se libérer pour faire le mardi 19 décembre. Et j'avais sauté sur l'occasion pour le faire parce qu'il y a belle lurette que je n'ai pas animée avec lui. Et on avait tout préparé ça, on l'avait annoncé, et ainsi de suite. Et la journée fatidique, le 19 décembre, bang, tempête de neige. Impossible pour Sinistros de se déplacer parce que maintenant, il n'habite plus dans la même ville que moi. C'est-à-dire qu'il habite dans une ville beaucoup plus temporelle que la mienne, qui est à des kilomètres d'ici. Donc, c'était beaucoup trop risqué. On a dû annuler à brûle-pourpoint et je le regrette énormément. Et j'espère aussi énormément pouvoir remettre ça avant un avenir trop lointain. Faire une émission de réanimation avec mon ami Sinistro, ça serait fort agréable. Mais bon, c'est à suivre. Pardon. Malheureusement... Nous, les amateurs de métal et de rock, nous avons appris que le 28 décembre dernier, une icône, un géant de la musique underground, Ian Fraser, Lemmy Kilmister, décédait à l'âge de 70 ans d'un cancer qui était fulgurant, virulent. En fait, deux jours après qu'il ait appris qu'il était accablé de cette terrible maladie, Lemmy trépassait. Évidemment, ça laisse un vide qui est extraordinaire dans le monde de la musique. Personnellement, je suis un fan de Motörhead depuis, je dirais, plus de 30 ans. Et aussi des side projects qu'il a fait, des à côté, bien entendu. Et Motörhead a toujours été une icône pour voler les paroles de mon ami Rockmaster, pour les vrais amateurs de vrai rock and metal, bien sûr. Et le fait qu'il soit parti, ben évidemment, ça met une fin qui était peut-être prévisible, mais quand même triste pour la formation Motörhead, parce que tout le monde s'entendra pour dire que Motörhead sans Lemmy, ça n'existe plus. C'est triste, mais c'est la vie, c'est aussi la mort. Hein. Et le week-end dernier, justement, en compagnie de Alain, nous avons écouté en direct les obsèques sur le canal YouTube de Motörhead. Les obsèques avec des témoignages parfois assez émouvants de ses proches, de son fils, de ses collaborateurs, de musiciens qui ont été associés à lui ou qui sont des admirateurs. Bref, je pense à laisser personne indifférent. Et justement... Évidemment, parce que moi non plus, ça ne m'a pas laissé indifférent. La semaine dernière, vendredi dernier, Alain et moi, à Rock Classic, avons consacré pratiquement 5 heures de l'émission à Lemmy. Ce soir, je ne le ferai pas, parce que la programmation est tout autre. Mais tout de même, il nous aura laissé, le 28 août dernier, un très bon album, Bad Magic. L'album qui sera le dernier à vie de Motörhead, on s'entend. Mais qui n'est pas piqué des vers. Et justement, allons écouter Victory or Die. Go! Victory or Die! All about. Look Pentagram et la pièce Attempt to Push que l'on retrouve sur leur dernier album Curious Volume, le 9e en plusieurs décennies de carrière, donc très peu productif c'est Pentagram. C'était paru le 28 août dernier sur Peaceville Records et je dois dire que c'est un de mes albums préférés de cette année. À tendance plus doom, hard rock, teinté heavy metal bien sûr, mais Curious Volume est vraiment un excellent retour pour Pentagram, une bonne production, de bonnes pièces solides, belle présentation graphique en plus. Il est en 4e position de mon top 10 et ça va vous surprendre, mais oui effectivement, il est devant Motorhead, qu'on a entendu juste auparavant avec la pièce Victory or Die. Pièce d'ouverture de cet album Mad Magic, qui était le 22e en carrière, qui est paru le 28 août également sur UDR Music. Victory or Die était quand même assez emblématique de ce que Lemmy a été tout au long de sa carrière et de sa vie. Motorhead Mad Magic est en 6e position de mon top 10. Écoutez, c'est des choix que c'est personnel, hein. Pour certains, il aurait pu être en première position et je le respecte amplement. Mais à travers ce que j'ai choisi et à travers ce que j'ai écouté, il tombe en 6e position. Voilà. La semaine prochaine, je vous propose de s'attaquer au mois de septembre avec Slayer, entre autres, et d'aller ainsi jusqu'au mois de décembre. Décembre qui était il y a à peine, moins d'un mois, bien entendu. Donc, et je ferai un petit écartade avec quelques petits trucs qui m'ont probablement fait plaisir de programmer, qui n'ont aucun rapport avec cette rétrospective, cette Retro Undead. Ben, il semblerait que je ne vous laisserai pas avec Matière Noire, avec Alexandre. Ce dernier ne semble pas être là ce soir. Je vais vous laisser en publicité et tout de suite après avec Les Choix de l'Enfer. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, voilà, c'est ça. 19h réanimation. D'ici là, soyez avec nous ce vendredi rock classique dès 11h. Rockmaster et moi, plein de délire, plein de rock, plein de musique, même du métal. Et aussi beaucoup de choses qui ne se peuvent pas. D'ici là, allez tous vous faire foutre. See you.